Les villas de l'île n'étaient pas très espacées, mais l'escarpement de la côte et la luxuriance de la végétation les cachaient à la vue les unes des autres. Gautier résidait dans un manoir aux dimensions modestes, mais d'une facture remarquable au fond d'un parc. Olga, sa femme, était vêtue ce soir-là d'une improbable parure brillante, d'un violet profond, qui accusait son teint brûlé, ses rides et la blondeur de ses cheveux artificiels. Elle n'avait pas décroché son bras de celui de Melchior depuis qu'elle lui avait été présentée, et l'abreuvait d'une continuelle logorée, parlant tour à tour de la réception, de la saison, de son enfance, et revenant régulièrement à la joie qui lui inspirait l'arrivée d'une nouvelle fratrie. La légèreté de ses propos semblait assortie à l'exubérance de sa robe, à l'ostentation de son hospitalité. Melchior, sans cesser d'observer les règles d'une parfaite bienséance, avait cessé de l'écouter depuis un certain temps, déjà lorsqu'ils eurent fini la visite du parc, et que leurs pas les ramenèrent vers l'entrée du manoir. Plusieurs personnes semblaient être arrivées. Melchior entendit une musique aux accents argentins qui provenait du hall ou du salon. Gautier, sous le pas de la porte, l'air paisible et fatigué, les attendait. « Olga, veille à ce que les sœurs de notre amie ne manquent de rien, veux-tu »« De quoi veux-tu qu'elles manquent ?» répondit-elle. « Ni de vin, ni de mets raffinés, ni de compagnie, n'est-ce pas ?»« Allons, Melchior, c'est à regret que je vous rends votre liberté. Entre nous, j'ai toujours préféré la compagnie des hommes à celle des femmes. » Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas, si je vous avoue que vous m'intéressez beaucoup plus que vos sœurs. « Je ne saurais en vouloir à l'auteur d'un si charmant compliment, » dit Melchior. Olga éclata d'un rire évanescent, qui jurait avec son âge, et s'engouffra à l'intérieur dans un mouvement d'une singulière vivacité. « Vos sœurs sont des personnes fort agréables, » observa Gautier. « Très, en effet, » répondit Melchior. « La plus jeune est peut-être plus liante, moins réservée. » « Je suis sûr qu'elle n'aura aucun mal à se faire des amis dans l'île. »« Anna ?»« Oh oui. Elle est un exemple parfait d'adaptation sociale, intuitive, ouverte, correctement éduquée et passablement jolie, je crois. » Gautier eut un sourire de connivence. « Je vois que votre qualité de frère n'altère pas votre jugement. »« Votre sœur aînée, comment s'appelle-t-elle »« Albe. »« Oui, Albe. Un prénom ravissant, soit dit en passant. »« Elle semble plus timide. » coupa Melchior. « C'est cela, timide. » Gautier le regardait avec une sorte d'indiscrétion, comme pour l'exhorter à quelque confidence. « Tout le monde est-il arrivé ?» demanda Melchior en changeant de ton. Gautier mit un certain temps de délai avant de répondre. « Oui, » dit-il en regardant du côté du parc, « je vois les derniers qui approchent. »« Eh bien, si vous me le permettez, je vais voler au secours de ma sœur. Sa timidité naturelle doit être exacerbée par la circonstance. » « Faites, cher ami, faites. Mais je crois l'avoir laissée en de bonnes mains. » Elle discutait avec ma fille Clara lorsque je l'ai quittée. Melchior sourit et passa dans le hall. L'élégance des murs, ici, était partout contredite par le goût tapageur de la décoration, ce qui rendait le lieu un peu moins beau et un peu plus vivant que ce qu'il était conçu pour être. Les tentures chatoyantes et les artefacts divers ne furent pas cependant ce qui attira l'attention de Melchior. Il remarqua à peine aussi les groupes formés de part et d'autre du vaste espace central, et dérogea son habituelle analyse systématique de l'échiquier social, car ses yeux avaient été retenus dès l'abord par un couple qui dansait, avec un art qui frisait l'impudeur, sur la musique presque tragique qu'il avait entendue. Les jambes de la jeune femme, dont on devinait la perfection du galbe à travers le mouvement perpétuel qui empêchait de les fixer, s'enroulait et se déployait autour de l'homme en un va-et-vient à la fois sensuel et sans espoir. Les deux corps tendus se faisaient face en une violente et sombre mise en scène du désir, et leurs visages ivres mais graves irradiaient comme s'ils avaient atteint un point ultime de possession mutuelle et de désespérance. Melchior désira cette femme dès qu'il la vit et sut qu'il l'aimerait plus passionnément qu'aucune autre, et il s'attarda à son spectacle comme pour prolonger cet instant singulier et suspendu. Il la possédait déjà, lors même il le savait, qu'il n'était encore pour elle qu'une silhouette anonyme et inerte entreaperçue au bord de son champ de vision. Son regard errant l'effleurait sans cesse, sans jamais s'arrêter sur lui. Et il eut soudain envie, dans les sanglots obsédants des violons, d'être couvert de lumière, pour l'obliger à le regarder. Mais il dut attendre que la musique, en un accord final d'un suprême orgueil, pétrifie leur corps exaspéré. Là seulement, dans la nudité du silence qui était revenu, elle tourna la tête vers lui et le considéra un instant de ses yeux inquiets. Je vois que vous êtes fasciné, comme nous le sommes tous, mon cher. C'est vrai qu'ils sont tellement beaux. » Melchior, tressaillant intérieurement, se retourna cependant avec souplesse et aménité. C'était Olga, qui avec une pointe d'ironie l'observait sans doute depuis un moment. On ne peut pas douter en les voyant danser qu'ils soient aussi amants dans la vie, remarqua Melchior. En effet, ils le sont, dit Olga avec un laconisme qui ne lui était pas familier. Elle s'appelle Serena. Melchior la regarda. La vieille femme avait une expression des plus aiguës et des plus impénétrables. « Ne me présentez-vous pas tout ce petit monde ?» demanda Melchior en souriant. « Aussi, j'en mourrais d'envie, mais je respectais votre admiration, ô combien légitime. Il est vrai que nous sommes blasés ici, et que les évolutions de Serena et de Brugge n'émeuvent plus grand monde lors de nos réceptions. C'est si bénéfique, voyez-vous, un peu de sang neuf. Cela nous rajeunit tous, nous redonne la vigueur d'antan. » Melchior ne put s'empêcher de noter le caractère éminemment vampirique de la métaphore, mais il n'en fit pas la moindre remarque. Une dizaine de personnes étaient maintenant autour de lui à quelques mètres, et la nécessité de tenir son rôle retomba sur lui comme un couperet. L'allée qui les ramenait chez eux était couverte d'un sable fin où leurs pas ne laissaient aucune empreinte. La nuit, infiniment étoilée, comme une fenêtre ouverte, laissait couler dans leur esprit un peu de l'ordre immémorial et froid de l'univers, et dissipait en eux les vapeurs rémanentes de l'alcool et du monde. Alb levait la tête, souvent, comme pour puiser un peu de force dans la contemplation de l'immobilité astrale. Anna était parfois secouée d'un petit rire qu'elle ne prenait pas la peine d'expliquer, et Melchior, le dernier, entêté par les parfums exaltés des fleurs, essayait en vain de revenir à lui. La mer, profondeur obscure, immense, invisible, se livrait à de vagues miroitements ainsi qu'à des bruits frémissants comme un corps endormi. Alb leva la tête une fois de trop et Anna éclata de rire. « Pourquoi regardes-tu le ciel ? » demanda-t-elle. « Tu as peur qu'il s'écroule ?»« Non, » dit Alb très sérieusement. « Au contraire. » Anna soupira. « Les étoiles m'ennuient, » dit-elle. « Melchior ?» La voix vivante de sa sœur le sortit de son hypnose. « Oui. Parlons un peu de cette soirée, veux-tu ? » Melchior allongea le pas pour se trouver à côté d'elle dans son aura. « J'ai particulièrement apprécié la famille de nos hôtes, » déclara Anna sentencieusement. Lui, d'une jovialité presque suspecte, elle, hystérique, et les enfants complètement renfermés. « Tu as remarqué que le fils n'a pas dit un mot, pas un. Je n'ai pas entendu le son de sa voix. » Melchior se souvint à cette évocation d'un jeune homme assez beau, au regard transparent, que Gauthier lui avait présenté assez rapidement comme son fils. « Et la fille ? » demanda-t-il. « Alb, tu as parlé avec elle, je crois ?»« Elle est étrange, » dit Alb simplement, « d'une douceur qui finit par vous mettre mal à l'aise. » Melchior songea que toutes les caractéristiques des gens finissaient toujours par mettre Alb mal à l'aise, mais il ne dit rien. Il s'approchait du palais, dont les dômes et les coupoles prenaient sur ce fond étoilé une allure orientale. Ils se turent, saisis tous les trois à des degrés divers, par le sentiment qu'on les avait fourvoyés et qu'ils ne rentraient pas chez eux. Ils retournaient seulement dans ce sanctuaire dédié à un dieu inconnu dont la pompe, les rituels, leur étaient et leur seraient toujours totalement étrangers. Comme des profanes obligés d'assister à une cérémonie, ils entrèrent dans la gigantesque nef qui servait de hall d'entrée et d'un commun accord se séparèrent. Leur ébauche d'intimité familiale était vaincue, sans le moindre combat d'ailleurs, par la froide étrangeté des choses. Melchior savait qu'il ne dormirait pas cette nuit-là, que son cerveau, comme un insecte à qui son instinct assigne une tâche, allait analyser et digérer le temps qui venait de s'écouler, avec lenteur, avec méthode, avec cet appétit sans joie mais sans limite, qui définissait depuis toujours son élan vers les choses. Il n'avait pas parlé à Serena, il ferait exception à cette dévoration minutieuse, il préférait lui laisser le sensuel rayonnement de son apparition. Son amant, Brugge, en revanche, allait subir les premières attaques. Il était assez séduisant, sans doute légèrement plus jeune qu'elle. Sa nonchalance générale, parfois traversée par les éclairs d'un cynisme fulgurant, lui conférait une certaine prestance. Il était extrêmement distant, dans ses silences prolongés aussi bien que dans sa parole, qu'il chargeait toujours d'une sorte de provocation. Il cherchait à séduire sans se donner la peine de se rendre aimable, poussait les gens dans leur retranchement sans attendre par ailleurs une réponse qui ne l'intéressait pas, et prenait un temps presque insolent pour observer les autres, pour leur imposer son regard prédateur. Il avait pris le contre-pied exact de l'hospitalité de Gautier. Il n'avait adressé la parole au nouveau venu que pour les plaindre avec ostentation et les mettre en garde contre les maléfices qui les guettaient. Melchior l'avait évité, remettant à plus tard une opposition qui lui semblait déterminée à l'avance par leurs personnages respectifs, mais dont le théâtre et le moment n'étaient pas encore venus. Il entrevoyait ce qui séduisait Serena en lui. Brugge avait compris qu'il fallait surprendre avant d'être surpris, prendre ce qui n'était pas donné. Il était libre, d'une liberté imprudente qui lui donnait un dangereux sentiment de puissance et qui finirait sans doute par le faire tomber. Serena, après leur danse, l'avait laissé seul, lui adressant de loin en loin des regards lancinants, comme si elle cherchait à capter le seul regard de l'assemblée qui eut un sens pour elle. Melchior ne l'avait vu sourire à son amant qu'une seule fois, et s'était juré de prendre ce sourire comme il prendrait le reste, un sourire à la fois langoureux et énigmatique qui ressemblait à la porte close d'un espace inaccessible. Elle avait papillonné, légère et distante, parmi les groupes, avait échangé quelques mots souriants avec Anna, mais n'avait parlé réellement qu'avec un vieil homme à l'allure exilée qui devait être ce vieillard dont les ordres défendaient à Melchior de s'approcher. Serena paraissait le connaître et l'aimer, car il lui avait fait l'honneur de sa présence à ses côtés jusqu'à ce qu'il prétextât son vieil âge pour quitter la réception. Personne d'autre n'avait semblé remarquer la présence de cet homme seul, d'une dignité fragile dont la profondeur d'expression semblait révéler un état de souffrance. Personne d'autre que Serena n'avait proposé de le raccompagner chez lui. Léandri, il avait appris son nom incitamment, était un étranger. Les autres personnes formaient pour l'instant dans l'esprit de Melchior une sorte de cour autour des personnages qui s'étaient naturellement distingués. Il en allait toujours ainsi, avec une régularité et une constance rassurantes. Les êtres lumineux plongeaient le cortège des autres dans une obscurité relative. On se souvenait mal de leur visage, on ne connaissait pas la nature exacte de leur lien de parenté. Ils étaient la pierre informe dont surgit la forme sculptée. Melchior eut du mal à trouver le sommeil cette nuit-là, malgré le versement du sac et du ressac et la tiédeur du vent qui agitait les rideaux. Il ressentait l'excitation particulière des débuts, même s'il ignorait encore que l'histoire allait l'absorber.